m'a écrit le nom dans le ciel avec bonnes étoiles. Et si on gâte un lire, loin même, la lune, comment va faire briller. Calobadia, l'ambiance, Maloya sur Réunion Première. Joli bébé, 10h, France Info. Et l'info à 8h, c'est Mathilde Munoz. Bonjour Mathilde. Bonjour. Le 9 janvier 2015, il était pris en otage par les frères Kouachi dans son imprimerie de Dammartin en Goële. Michel Catalano rouvre son entreprise aujourd'hui et c'est François Hollande qui vient inaugurer les nouveaux locaux entièrement restaurés. En Israël, journée de recueillement, les drapeaux sont en berne avant les obsèques demain de Shimon Peres. Jean-Marie Le Pen vise les législatives. La présidentielle, il la laisse à sa fille, mais il a bien l'intention de continuer à peser sur la vie politique française. L'ancien président du Front National faisait sa rentrée hier soir. À suivre aussi ce drame, Rihanna qui snob ses fans. Ils étaient inconsolables hier soir à la Fashion Week de Paris. France Info. Et c'est donc dans une imprimerie flambant neuve que va se rendre ce matin François Hollande. L'imprimerie où s'étaient retranchés les frères Kouachi le 9 janvier 2015. Le bâtiment avait été très abîmé par le GIGN qui avait donné l'assaut et tué les auteurs de l'attentat contre Charlie Hebdo. Le chef de l'État va inaugurer le nouveau bâtiment à Dammartin en Goële, en Seine-et-Marne. Son propriétaire, Michel Catalano, qui avait été pris en otage il y a un an et demi, a décidé de détruire son ancienne imprimerie et de tout reconstruire pour relancer son activité. Sébastien Baer. De l'imprimerie d'avant, comprenez, avant le 9 janvier 2015, il ne reste plus grand-chose à part le hall d'entrée. Le reste a été complètement transformé. Le parking qui a changé de place, les murs dont la couleur a été modifiée, le bâtiment qui a été agrandi. Car Michel Catalano a voulu effacer les traces du passé. Chaque fois que je voyais quelque chose, il y avait un flash qui me rappelait des moments difficiles que j'ai vécu ce jour-là. Et du coup, j'essayais d'effacer tous ces moments-là. Il y a des endroits encore dans l'imprimerie dans lesquels je me sens encore un petit peu étouffé parce qu'ils n'ont pas trop changé. L'imprimeur a aussi renforcé la sécurité, deux sorties, deux escaliers, des caméras de vidéosurveillance. Car Michel Catalano reste traumatisé par ce face-à-face de 90 minutes avec les frères Kouachi. J'ai encore du mal à dormir, et ça depuis 20 mois, donc c'est pas complètement disparu. Et je me rappelle exactement ce qui s'est passé pendant tout ce laps de temps, qui a été très difficile psychologiquement et qui a hanté mes cauchemars. C'est à cause de ce traumatisme que Michel Catalano a aussi longtemps hésité avant de reprendre son activité. Ça a été un choc tellement fort qu'on a envisagé de ne pas repartir. L'imprimerie compte désormais 10 salariés, deux fois plus qu'avant l'attentat, mais la plupart des employés sont partis, comme Lilian, qui s'était caché pendant plus de 8 heures sous un évier pour échapper aux terroristes. Il n'a pas eu la force de retourner à l'imprimerie. Les victimes de l'attentat de Nice vont avoir droit à un hommage national. Il aura lieu le 14 octobre à Nice et en présence de François Hollande. Juliette Méadel, la secrétaire d'État aux victimes, l'annonce chez nos confrères de France Bleu Azur. Bernard Squartini, mis en examen hier. L'ancien directeur du renseignement intérieur est poursuivi notamment pour trafic d'influence et détournement de fonds publics. L'enquête porte entre autres sur ses activités depuis sa reconversion dans le privé. Bernard Squartini a été laissé libre sous contrôle judiciaire. Même pas mal, voilà la technique de défense de Nicolas Sarkozy face au livre acerbe de son ancien conseiller Patrick Buisson. Il assure qu'il ne se laisse pas impressionner par la bassesse, la calomnie et la trahison. C'est ce qu'il a déclaré lors d'un meeting hier soir à Chantilly dans l'Oise. Et hier soir également, Jean-Marie Le Pen faisait sa rentrée politique. Il était à Mormant en Seine-et-Marne pour lancer son comité Jeanne d'Arc dans le département. Des comités de soutien comme celui-ci, il essaie d'en essaimer un peu partout en France pour constituer une force politique en vue des législatives. Julien Langlais. C'est dans une ferme templière, un peu dans un trou, Mormant, que Jean-Marie Le Pen a réuni une centaine de partisans venus écouter autour d'un buffet leur président et expliquer qu'il n'avait toujours pas digéré son éviction du front. Il faudrait qu'il s'en rende compte assez tôt pour pouvoir changer de pied. Sinon, le menhir menace de créer un label à défaut d'être sûr de pouvoir présenter des candidats aux législatives. Quand il y aura des candidats aux élections législatives, ceux-ci présenteront leur demande de label au comité Jeanne et celui-ci, selon le profil des candidats, donnera ou ne donnera pas son label. Soutien du père ou pas, label ou pas label, in fine, les jean-maristes voteront Marine Le Pen à la présidentielle. Jusqu'à il y a quelques semaines, j'en étais pas sûr, mais en même temps, le Front National n'a jamais été aussi haut, donc il y a peut-être une échéance historique à pas louper. Tous ceux qui sont ici vont voter la mort dans l'âme, c'est sûr. Même Jean-Marie Le Pen. À la limite, je serais peut-être obligé de m'y résigner. Résigné mais content, à 88 ans, d'avoir l'impression de jouer encore un rôle politique important, le rôle de sa vie pour son épouse depuis 30 ans, Jeannie. Mais c'est Molière, hein, il va mourir sur scène, j'espère le plus tard possible. Reportage de Julien Langlais. Oui, pardon. 1 million de retraités vivent avec moins de 1 000 euros par mois, selon l'INSEE. Des retraités qui réclament un meilleur pouvoir d'achat. 9 syndicats organisent des rassemblements aujourd'hui pour demander au gouvernement de revaloriser les pensions. Près d'un quart des foyers privés d'électricité en Martinique à cause d'une tempête tropicale. Les écoles sont toujours fermées. L'île est passée en vigilance rouge. La Guadeloupe, qui est moins touchée, est restée en alerte orange. Voilà, il est 8h05 sur France Info. Israël a mis ses drapeaux en berne ce matin. Le pays fait ses adieux à Shimon Peres, ancien président et prix Nobel de la paix, mort hier à 93 ans. Les Israéliens vont pouvoir se recueillir sur sa dépouille aujourd'hui devant le Parlement à Jérusalem. Et dans les rues de Tel Aviv, les jeunes Israéliens se sentent orphelins d'un homme qui a fait naître un espoir de paix. Reportage de Jérôme Jadot. Pour les trentenaires attablés aux terrasses de ce quartier animé de Tel Aviv, Shimon Peres, c'est la figure politique qu'on a toujours connue, l'homme surtout qui a tenté la paix avec cette poignée de main à la Maison Blanche avec Rabin et l'ennemi palestinien Arafat. Je l'avais vu à la télé, on s'était dit « Waouh, ça va être la paix maintenant !» Particulièrement avec mes voisins, puisque j'ai grandi juste à côté de la frontière palestinienne, donc j'ai vécu le processus d'Oslo, de l'euphorie jusqu'à l'effondrement. Effondrement depuis maintenant de nombreuses années. Parmi celles qui se considèrent comme la génération Oslo, certains, comme Shiran, n'y croient plus. La mort de Peres, c'est le dernier clou qui scelle le cercueil du processus de paix. Mais ce qu'il a fait n'a pas été inutile. Il a ouvert un chemin, veut croire Julie, arrivée en Israël il y a 11 ans. J'espère vraiment que la mort de Peres va être un déclic, que justement sa vision d'Israël et d'un État palestinien n'est pas morte avec lui et que la jeunesse va se réveiller, continuer dans le sens où lui voyait les choses et que les choses vont avancer. Sauf que les moins de 25 ans attablés aux mêmes terrasses hier pouvaient difficilement dire ce qu'étaient les accords d'Oslo, érigeant au mieux Shimon Peres au rang de grand-père politique. Jérôme Jadot, envoyé spécial de France Info à Tel Aviv. L'OPEP resserre les vannes. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole a décidé de réduire sa production pour soutenir les prix. La nouvelle a d'ailleurs immédiatement fait grimper les cours du brut. Hier soir à New York, l'OPEP produit un tiers du pétrole mondial. Le PSG l'a emporté sans vraiment convaincre hier soir en Ligue des Champions. 3 buts à 1 chez les Bulgares de Ludogorets pour ce deuxième match de poule. Mais les footballeurs parisiens ont longtemps été menés. Ils peuvent dire merci à Cavani, auteur d'un doublé. Et puis des baskets à talons aiguilles, cette chanteuse étrange, cette chaussure étrange, on la doit à une chanteuse étrange qui s'appelle Rihanna. Oui, chanteuse étrange, star internationale, elle est aussi styliste à ses heures perdues. Hier soir, dans le cadre de la Fashion Week de Paris, elle a dévoilé sa collection créée pour une marque de sport. Il y avait beaucoup de célébrités autour du podium, mais les fans, eux, sont restés à la porte. Notre reporter Benjamin Illy aussi. On va mettre un peu de musique sur mon téléphone. Bien arrivé devant l'hôtel Salomon de Rothschild, il y a environ 200 personnes, des fans de Rihanna qui attendent leur star. Et moi je suis là depuis 14h. Recule un petit peu ici. Encore. Franchement c'est mon rêve de la voir, ou de la toucher. Fin... Ça va changer quoi à votre vie? Rien. C'est une personne géniale, elle a le cœur sur la main, elle est folle. Au point d'écrire à François Hollande. Exactement. Quel artiste a réussi à écrire à François Hollande jusqu'à présent? Quel artiste a réussi à faire le buzz en écrivant à François Hollande? Ça paraît de personne. Quelle est votre chanson préférée de Rihanna? Oh, c'est Marc Pokora. C'est un bâtard, wesh. Il va même pas devant les gens. Vous aimez bien Marc Pokora? Non. Il est juste beau. Même pas. C'est quoi le surnom que vous donnez à Rihanna? Riri. J'ai vu sa queue de cheval. Oh putain, elle était là. Elle est pas là. Ferme. C'est fini. Non. C'est mort, on va pas la voir, ouais. C'est mort. Donc voilà, plus de 8 heures d'attente pour certains. Shine bright like a diamond. What the fuck is that? Bilan, la porte qui se ferme. Bitch, so shine. Voilà, j'ai entendu du vocabulaire en anglais quand même. Hein. Une petite traduction peut-être. Bah, bitch. Il est 8h09, vous en restez là, vous partez comme ça. Vous me laissez partir sur ce mot-là, je vous remercie beaucoup Mathilde Munoz. Il est 8h09, l'œil sur le ciel. Merci d'écouter Réunion Première. Bonjour à tous, il est 10h09. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Il fait beau, il faisait beau ce matin. D'ici cet après-midi, les nuages seront dans l'intérieur et sur le long des pentes des régions orientales. Il y a ce petit grain de pluie, pardon, qui serait même prévu. Alors en revanche, sur le littoral sud et Saint-Gilles, le temps est plutôt magnifique. En revanche, donc le littoral au sud de Saint-Gilles, donc là oui, il fait beau, pardon. Les températures maximales évoluent peu, de 26 à 29 degrés le long des littoraux d'est en ouest. Et puis au volcan et dans les hauts, le mercure se situe aujourd'hui entre 16 et 19 degrés. La météo vous est présentée par Miadao, ménage, repassage, jardinage à domicile sur www.miadao.fr. Pour 5 900 000 euros, aujourd'hui sur l'hippodrome de Compiègne, dans la troisième course pour le prix des ruines de Champlieu. Voici les pronostics du fouineur du GIR, le 7, le 4, l'As, le 10, le 5, le 9, le 14, le 16, 7, 4, As, 10, 5, 9, 14 et le 16. Hier, dans la deuxième, il fallait trouver le 9, le 8, le 5, le 10, le 12 et le numéro plus, le 20, 41, 9, 8, 5, 10, 12. Numéro plus le 20-41. Le bien-être est au cœur de votre émission de service Les Experts jusqu'à 11h30 sur Réunion Première. Stress, anxiété, en manque d'appétit, des nuits plutôt difficiles avec des maux de tête aussi à n'en plus finir, des douleurs musculaires qui apparaissent à quelques semaines du départ du Grand Raid, besoin de retrouver de la vitalité, de la force morale, de la force mentale, surtout besoin peut-être tout simplement de redevenir vous-même. Alors à mes côtés dans un instant, des experts du bien-être, les experts de la médecine douce parallèle, ce qu'on appelle la médecine traditionnelle chinoise. Et pour nous joindre, vous composez le 02 62 99 2000 et vous pouvez aussi réagir par SMS au 06 92 70 2000. 10h midi, les experts avec Claude Montané. De la musique locale sur la première, signée Florelle. 5h, 8h, grand matin sur Réunion Première. C'est l'heure du café. Bonjour. On est ravis de vous accompagner, de faire la route avec vous. On parle plein de vitamines ce matin. Peut-être au pied du lit pour vous ou déjà sur la route. Très bonne route avec la première. On est dans le même bateau et c'est pour ça qu'on est content d'être avec vous. Grand matin avec Isabelle Waraud et Mickaël Laurette du lundi au vendredi de 5h à 8h sur Réunion Première. L'info sur Réunion Première en télé, ce sont deux rendez-vous quotidiens. Pascal Soupraïen. Bonjour, voici les titres de l'édition de la mi-journée. Valérie Filin. Bonsoir, il est 19h, merci de votre fidélité. Émilie de Balmann. Bonjour, bienvenue dans votre édition du week-end. Réunion Première, une information sérieuse et vérifiée par des journalistes sur toute l'île. Plus d'une centaine de reportages chaque semaine et des directs. Vos rendez-vous d'information, c'est tous les jours en télé à 12h30 et 19h sur Réunion Première. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Il est 10h15 jusqu'à donc 11h30. On répond à toutes vos questions sur le bien-être, sur votre santé, vos petits soucis de santé, les douleurs parfois musculaires, un peu de mal à se lever le matin. Donc on en parle avec nos experts de la médecine traditionnelle chinoise, Georges et Brandon Chaniat. Bonjour. Bonjour Claude. Bonjour. Merci d'être là ce matin pour nous éclairer un peu plus sur cette médecine qui vient de très loin, on est bien d'accord, donc de Chine, très ancienne aussi, Georges Chaniat. Et pour ceux et celles qui veulent en savoir un peu plus sur cette pratique, qu'est-ce que c'est ? Médecine traditionnelle chinoise. Tout simplement, on a un éventail de mal-être plus large que notre médecine, on va dire, classique occidentale. C'est-à-dire que quand quelqu'un n'est pas en forme, quand quelqu'un n'est pas malade, nos médecins sont un peu embêtés. Alors que chez nous, non, on se frotte les mains. Parce que quand on n'est pas en forme, on sait pourquoi. Tout est basé sur l'énergie vitale. Donc c'est pour ça que c'est intéressant. Alors on parle entre autres, votre technique à vous s'appelle la digitoponcture, ce qui a pour but de rétablir, c'est ce que j'ai noté, notamment la circulation du qi. L'énergie vitale, c'est tout simple. Ça circule sur des réseaux qu'on appelle des méridiens. Et il y a deux systèmes, hein, acupuncture avec des aiguilles ou digitoponcture sans aiguilles. En Chine, c'est la même chose pour les thérapeutes. On est à la fois acupuncteur, digitoponcteur, médecin, on est tout là-bas. On a scindé pour le monde entier que acupuncture, en France, il faut être médecin. Je vois que certaines personnes ne sont pas médecins, qui font de l'acupuncture, c'est toléré. Nous, on est digitoponcture, on ne pique pas, quoique de temps à autre, on a besoin aussi de faire de l'acupuncture. Donc, on le fait aussi. Voilà. Donc, sur ce schéma énergétique qui est l'acupuncture, on traite tous les maux. Tous les maux de... On dit les maux, tout, pas oui, les maladies. Oui, oui, non, hein? Tous les maux. Tous les de, maux. Le mal-être, l'énergie, le stress, baisse, le stress la souffrance morale, la souffrance physique, tout ça. Alors, notamment dans le traitement de la douleur aussi. Ben, je m'amuse à dire que je suis un spécialiste de la douleur. Oui. Pour moi-même, j'ai tout goûté. Hein? Donc, je sais quand quelqu'un me dit qu'il a mal, j'arrive à comprendre quel genre de souffrance il a. C'est pour ça que j'arrive à imaginer un protocole pour le sortir de là. Alors, on dit aussi que cela reste une médecine douce et ne saurait remplacer un avis médical, Georges et Brandon Chaniat. Avant de venir nous voir, il faut avoir l'avis médical. L'avis, voilà, du médecin, oui. Il ne faut pas que ça soit un problème médical. Nous, on traite vraiment l'énergétique. Ça permet de rétablir l'énergie et si tout est rétabli, ben il y a pas de souci. Il y a du résultat sur le après une première séance ou alors il faut peut-être en faire deux, trois. Tout dépend de la personne, c'est ça. Dépend toujours de la personne. Il y a des gens en une séance le problème est résolu, il y en a d'autres trois séances ça suffit pas. Vous voyez, donc c'est la capacité de la personne de s'auto guérir qui est important. Je viens de dire à une dame à l'instant, je soigne pas votre épaule, je vous soigne vous. Et si vous arrivez pas à soigner votre épaule, il faut revenir. Vous voyez, c'est un peu ça l'idée. Je vous soigne vous, vous vous soignez votre épaule. 02 62 99 2000 pour poser toutes vos questions à nos experts de la médecine traditionnelle chinoise. Et puis par SMS aussi au 06 92 70 2000. Why'd you have to go away from home, tell you chair with no one here, and I'm feeling all alone. All alone. Thinking to myself like, damn, what my baby up and gone. Up and gone. It's like I'm missing her, and I know she's missing me. Missing me. It's been 2 years and a half, and July will make it three. Make hey. It three. I feel like au cœur de votre émission Les Experts jusqu'à 11h30. 10h midi, Les Experts avec Claude Montané. Sylvie est avec nous au téléphone. Bonjour Sylvie. Oui, bonjour. Bonjour, vous bonjour. Habitez le tampon, c'est ça? Oui, le tampon. Quel temps vous avez ce matin? Ben là, il fait beau avec un petit peu de vent. Il fait toujours aussi frais? Un petit peu moins quand même. Ouais. Bon, ben écoutez, on n'est pas très loin de l'été hein, aussi. Ah oui, là, on commence à sentir l'été quand même là. Sur la côte, on commence à sentir la chaleur surtout. Sylvie, oui. Vous souhaitez parler un petit peu de ces douleurs musculaires. Hein ? Oui. Alors, en revanche, vous avez la radio qui est allumée ? Oui, oui. Vous pouvez l'éteindre, s'il vous plaît ? Sinon, je m'éloigne. Voilà, au cas où. Ça, c'est bon ? S'il vous plaît, oui. Très bien, merci. Alors, parlez-nous un peu de vos douleurs musculaires. Ben, en fait, c'est que j'ai des douleurs musculaires. Et le matin, quand je me réveille, c'est bloqué tout le haut de mon dos. Surtout le matin au réveil. Ouais, le matin au réveil. Bon, la journée après, ça fait mal un peu. Ouais. Mais c'est plus le matin que je suis bloquée. Je peux même pas ni pencher ma tête, ni tourner à droite à gauche. Et ça fait mal. C'est des douleurs insupportables, quoi. Des douleurs au niveau du... De l'omoplate. De l'omoplate. A-t-elle consulté ? J'ai été consulter un médecin. Oui. C'est important. C'est important, Sylvie, ouais. Pardon. J'ai fait des radios, des échographies, mais ils ont rien trouvé. D'accord. Le médecin n'a pas parlé de fibromyalgie ? Non. Parce que ça, en général, ce n'est pas dans le dos, hein, c'est dans les membres. Ah, ok. Hein, donc, mais... si votre dos est dans cet état, c'est que c'est bloqué. Ben, j'ai été chez un ostéopathe, mais ça n'a rien fait. En fait, il y a un manque de souplesse. L'ostéopathe, il va essayer de libérer les articulations pour rétablir l'équilibre au niveau du squelette. Oui. Alors qu'il ne va pas forcément agir sur les tensions musculaires. Comprenez. Donc là, je pense que c'est complètement, il y a un bloc en fait. Vous avez du mal, il manque de souplesse. Il y a un manque de mobilité, non ? Non, ben, moi je suis complètement tendue. Hein. Voilà, c'est ça. Vous êtes complètement tendue ? Oui, oui. Ouais. Mais alors, c'est dû à quoi ? Votre environnement, votre. Je sais pas. À chaque fois, le médecin me dit c'est le stress, des trucs comme ça. Ouais. Vous faites quoi comme métier ? Aide ménagère. Donc ouais, vous bougez, ouais, vous n'êtes pas figé. Mais donc, c'est très physique aussi, ça. Ouais. C'est physique, mais elle bouge dans tous les sens. Donc ouais. Ça ah pas. Oui, ouais. Alors vous avez plus mal le matin parce que tout simplement le soir vous arrêtez de sécréter l'endorphine oui. Et au petit matin vous accusez la raideur et la souffrance physique. Ah. Et la journée vous recommencez à sécréter un peu et ça repasse. Une fois démarré ma journée, après bon, il y a encore ces douleurs là, mais moins. C'est ça. Parce que son corps est en activité. En activité, il a commencé à créer l'endorphine. Et puis ça va mieux. Oui, voilà. Dès que c'est au repos. Voilà. Dès que c'est au repos, la sécrétion d'endorphine s'arrête. C'est comme si l'effet de l'efferalgan, le paracétamol s'arrête. Ah oui. Et puis voilà, on sent plus la douleur. Et au petit matin, quand l'aspect physique reprend le dessus, vous sécrétez l'endorphine, bon, ça inhibe un peu la souffrance, les douleurs. Ouais, ouais. Et c'est pour ça que vous supportez encore la journée. Non, la journée ça va, mais c'est le matin au réveil, c'est plus dur. De toute façon, madame, on sait ce que vous avez. On ne va pas se vanter de dire qu'on peut quoi que ce soit. Oui. On sait ce que vous avez, je pense qu'on peut faire quelque chose pour vous. Mais alors, c'est surtout au réveil, hein, c'est ça. Voilà, c'est la stagnation. Est-ce que ça a un rapport avec la météo, le temps, le matin? Non, il fait froid, ça a à voir avec sa circulation énergétique. Si vous voulez, il y a un blocage de la circulation, donc l'élimination des toxines ne se fait pas. Mm-hmm. Hein, ouais. Et ben, c'est ankylosé, c'est comme un muscle crampé, quoi. Il y a trop de toxines qui se sont installées. C'est l'hiver, le froid peut-être, mais... Non. Oui, alors ça fait partie un petit peu, Brandon Chamiotte, des idées reçues, ça. Hein. On pense que le climat, oui, peut-être aussi que peut-être, c'est vrai, oui. Le climat joue aussi peut-être bien aussi. Bien sûr. Ouais. Bah, le froid bloque l'énergie. Le froid bloque l'énergie. Le soir, oui, c'est lui. Le soir, ça fait mal quand même. Oh, oui, ça fait toujours mal, mais ça atténue un petit peu l'intensité de la douleur. Oui. Donc vous avez ça depuis combien de temps? Ça fait déjà un moment. Donc il n'y a pas vraiment l'été, l'hiver. Donc, je pense que ça va plus loin que ça, quoi. La digitoponcture peut vous aider, madame. Ah bon? Mais alors, c'est juste un petit mot sur le fait que vous soyez stressé. Oui. Vous ne pouvez pas vous en débarrasser un petit peu de ce stress? Non, de façon naturelle? En fait, c'est ma maladie. Quoi, le stress, c'est votre maladie? Ah oui, ben moi, je suis quelqu'un de stressé tout le temps, donc j'essaye de faire évacuer tout ça, mais c'est difficile. Est-ce que vous avez une technique pour ceux qui sont stressés comme ça de nature? J'aime l'humour, vous savez. Parce qu'elle dit qu'elle a du mal à s'en débarrasser. Ben, parce qu'elle a pris trop de travail en même temps. Elle a pris trop de travail trop de en même temps. En même temps. Ah bah, j'aime les métaphores. Donnez-nous un exemple. Vous arrivez à gérer 10 dossiers par jour. Oui. Tranquillement. Et du jour au lendemain, vous décidez d'en faire 20. Il faut aller plus vite. Ouais, il faut être tendu. Il faut être vif. Et là, on se stresse. Ouais. Vous submergez, vous faites dépasser par les événements, vous stressez. Dans tous les cas de figure, c'est pareil. Vous avez 10 minutes pour faire 3 km, c'est faisable. Maintenant, on vous demande de faire la même distance en une minute. Vous stressez. Ah oui? Qui dit stress dit tendu. On est tendu. Les muscles se bloquent. Ben voilà. Le kiné même, il trouve bizarre parce que je suis tellement tendu. Il me dit que c'est dur comme un galet. Donc. Je vous taquine pas, mais quand on nettoie un meuble, il ne court pas. Lui. Son quatre pattes, il ne bouge pas, ça, pour qu'on stresse. Non, mais passons pour le même, mais il y a autre chose à côté. Ben voilà, parce qu'il y a trop de choses d'à côté. Il y a le bon stress et le mauvais stress. Non, le stress est toujours positif. Le stress est toujours positif. Ça n'existe pas un stress négatif. On entend souvent dire le bon, le mauvais. Non, le stress, c'est un élément positif. Maintenant. Il faut le voir comme ça. C'est sûr que c'est comme c'est, ça. C'est, mais c'est comme ça, pourquoi ça devient négatif? Et j'aime les métaphores. Si je vous dis un turbo est négatif, vous rigolez. Le turbo d'une voiture, ça peut pas être négatif. Ouais. Sauf si le chauffeur est mauvais. Il accélère, le turbo se déclenche, il contrôle plus la voiture, il fout dans le fond. Voilà. Bon ben, vous, c'est pareil, le stress est positif, c'est vous qui gérez mal. Donc, ça devient négatif pour vous. Mais je pouvais trouver une solution, Alors, est-ce que, par exemple, vous consommez beaucoup de café? Est-ce que vous consommez... Non, le café, c'est pas trop abusé, c'est un le matin. Un le matin? Non, trois par jour. Est-ce que dans son quotidien, selon vous, elle pourrait peut-être faire des petites choses qui pourraient améliorer la seule chose... Dans son quotidien. Je parlais de médecine chinoise. Les Chinois, leur médecine commence quand ils sont à table. Ils contrôlent tout ce qu'ils mangent. Sont à table. Voilà, mon maître est présent, il m'a fait sourire hier en me disant, vous dites à une femme que ce truc amer est un produit qui est très bon pour la beauté du visage. Amer ou pas, la femme va l'ingurgiter. Oui. C'est vrai. Maintenant, vous dites quelque chose qui est très bon, mais c'est pas bon pour sa beauté, elle va pas le prendre. Oui. Bon, voilà. Ça, c'est en Chine, on consomme des choses, on s'assent, chaque chose, ça apporte quoi? Diététique. C'est diététique, la santé. Vous savez bien que 4 bouts de la viande, c'est bon, 10, c'est pas nocif. Ah, oui. Ah ben nous, on sait pas que 10, c'est nocif. On met la quantité qui nous satisfait, et puis après, on est malade. Eux, non. Eux, ils se mesurent tous, comme ça. Sauf les gourmands, ben, y a des malades dans tous les pays du monde. Les experts de la médecine traditionnelle chinoise vous écoutent sur Réunion Première. Les questions, les réactions au 02 62 99 2000 et par SMS au 06 92 70 2000. Même couleur au jour. stress, anxiété, un manque d'appétit, des nuits difficiles, des maux de tête à n'en plus finir, quelques douleurs musculaires. On essaie de trouver quelques solutions pour vous, évidemment, avec nos experts de la médecine traditionnelle chinoise. Les questions, les réactions au standard 02 62 99 2000. 10h midi, les experts avec Claude Montané. Dominique est avec nous. Bonjour Dominique. Bonjour. Bonjour Dominique. Bonjour Claude. Merci d'être avec nous. Vous êtes du tampon alors? Oh bah oui, c'est beau. Bah, comme Sylvie tout à l'heure. Oui, oui, c'est ça. Ouais. Alors, vous avez une douleur, vous, hein? Moi, j'ai des douleurs au niveau de l'épaule. Oui. C'est surtout quand je dors. Surtout quand vous dormez. Quand je dors sur le côté, et à certains moments, l'épaule, bah, il brûle, quoi. Donc, je peux plus dormir dessus. Ça va jusqu'à brûler? Ouais, ça chauffe, c'est gênant. Ben, je peux plus dormir sur mon épaule le droit, alors je me remets sur le gauche. Ben, au bout d'une heure, c'est pareil. De l'autre côté, ça fait mal aussi. Et puis, bon, ben, c'est comme ça, quoi. Voilà. Messieurs les experts. Alors, ça date de combien de temps, cette douleur? Oh, et ça fait au moins deux ans, trois ans à peu près, voilà. Ouais, et c'est un bon moment. Suite à quoi c'est arrivé? Bah, je sais pas, c'est arrivé de petit à petit comme ça, doucement, ça s'empire, quoi. D'accord. Doucement. Ben, moi, je dirais doucement, votre corps a perdu l'énergie de réparation. Donc, petit à petit, ben, écoutez, ça se dégrade de plus en plus jusqu'à ce que ça devienne vraiment gênant. Et ouais. À ce moment-là, il faut faire un compte. Faire un compte, si vous avez vu médicalement, il n'y a rien. Ah voilà, c'est justement ça, que j'ai rien au niveau médical. On m'a prescrit des patchs antidouleurs, de la pommade. Je suis même allé chez un masseur là pour essayer de donner un petit peu des points sensibles. Pour débloquer un petit peu l'épaule, quoi. Hein. Non, voilà, c'est clair, ouais. Je dis souvent, nous on traite pas l'épaule, on vous traite vous. D'accord. Hein, la digitoponcture dans son ensemble traite d'abord l'être. Et puis, quand on vous redonnera l'énergie nécessaire pour éliminer votre problème, ça se fera petit à petit en marche arrière. Et Brandon Chaniata, ça fonctionne comment la digitoponcture, en fait? On sait que l'acupuncture, c'est avec des aiguilles, c'est ça? Oui. Et la digitoponcture, c'est avec les doigts, la pression. Voilà, c'est ça. Des pressions, une palette de techniques, en fait. Donc, ça dépend de ce que le patient a, quoi. S'il vient pour une fatigue, on va agir beaucoup de pression sur des points énergétiques pour pouvoir renforcer son énergie. Par contre, s'il vient pour une douleur, un blocage d'énergie, il y aura d'autres techniques à faire pour pouvoir décompresser le lieu. Et alors, Dominique, c'est handicapant, c'est ça? Ça vous fait mal à la journée, j'ai pas mal. Moi, c'est juste quand je dors. Hein. Lorsque vous dormez? Ah oui, oui, c'est pas mal du tout la journée. Moi, je bouge, mon métier, moi, je conduis des camions. En plus, oui, d'accord, voilà, c'est ça. Donc, mais la journée, même au réveil, j'ai pas mal. Donc, hein, il est conducteur de camion, donc forcément, le bras, les bras travaillent, le bras chauffe. Ah oui, ouais, le bras travaille, oui, c'est vrai. L'endorphine, elle est là, tout est OK. Arrivé le soir, stop pour l'endorphine, et puis on se met dessus, on appuie. Bon, ben, la machine a besoin de repasser au banc de rechargement. Ça rejoint un petit peu ce qu'avait Sylvie tout à l'heure. Voilà, c'est la même chose. Lorsque c'est au repos. Je vous explique ce qui se passe. Quand vous avez un incident, vous glissez, vous tombez et que vous avez mal, ça, c'est un traumatisme. Ça fonctionne pas avec l'énergie, là. Mais guérir ce traumatisme fonctionne avec l'énergie. Si ça se guérit correctement, ça veut dire le maman, il en a encore toute sa pêche pour guérir. Si ça guérit difficilement, c'est que, bon, ben voilà. On sait bien que plus on prend de l'âge, plus nos blessures se guérissent plus difficilement parce que l'énergie vitale des gens, ça diminue en fonction de l'âge. Quand on est jeune, on est bien droit. Quand on est vieux, on est affaissé. Ouais. Hein, le cou plus bas, la tête plus penchée. Mais Dominique est jeune, c'est un jeune marmaille, Dominique. Là. À la louche, en 30 et 40 ans. Quel âge on a? 48. Ah, ben, tu vois. Donc, une recharge énergétique plus un agissement sur des points d'énergie de la zone sensible, ça peut se faire. Très Non, ouais. Ceci dit, vous avez tout essayé, vous prenez des calmants, de la pommade, etc. Des antidouleurs, tout ça. Ah, bah, non, aujourd'hui, mais prends plus rien. Ah, ouais. Vous le fatiguez. Ah bah oui, bah, il revient tous les soirs, mais il prend plus rien, donc dans 2 heures, 3 heures, 4 heures maximum par nuit. Ah oui, puisqu'il est gelé. Voilà. Parce qu'on perd en plus des nuits, des heures de sommeil. De sommeil, puisqu'il ça le fait mal. On peut plus dormir à certains moments. Bah, on se met sur le côté droit, après on se met sur le côté gauche, sur le dos. Après si on se met sur le dos, je dirais, bon, c'est la compagne à côté qui râle. Ah d'accord. Ouais, parce qu'il y a un coup de dans la figure, c'est ça. Voilà, exactement. Ok, mais ça pas dire au change de chambre. Non, prends un lit de 2 mètres de large. Après, on ne trouve plus de compagne le soir. Ouais, mais le ronflement est trop fort. Aïe, aïe, aïe. Mais là, donc, dans ces cas-là, il faut au change vraiment de chambre. Alors, si en plus, on ronfle... Ah, c'est pas bon du tout, Dominique. Madame, plutôt, non. Dominique, merci beaucoup donc pour votre question. Bon courage pour la suite. Allez, on aura tout à l'heure au standard évidemment d'autres auditeurs. Jean-Yves qui patiente de Sainte-Thérèse. Codes au 06 92 70 2000. Jean-Yves de la Possession, bonjour. Oui, bonjour Réunion Première, bonjour à tous les invités sur le plateau ainsi que tous les auditeurs de Réunion Première. Bonjour. Bonjour Jean-Yves. Oui, mais moi j'ai un petit souci, c'est-à-dire moi les diabétiques on est amputé de la jambe droite, là, dans le bras c'est en attente, mais on a également la maladie de Charcot-Marie-Tooth, c'est une maladie neuromusculaire, je pense que tu connais. Oui. Mais là, il fait près de 8 mois, tous mes muscles, sur la partie supérieure, là, bras, avant-bras, mains, épaules et tout, les complètement dur. Il fait la kiné tous les après-midi, mais ça ne s'améliore pas. Ouais. Votre maladie, c'est Charcot tout court ou Charcot-Marie ? Charcot-Marie tout. Voilà, Charcot-Marie tout. La partie neuromusculaire, parce qu'il y en a aussi, pas la partie cérébrale et autres, oui. Vous avez quel âge ? 59 ans. 59 ans. Alors, en plus, vous êtes diabétique, c'est ça ? Oui. La seule chose à faire pour rendre votre vie acceptable, c'est de débloquer tous ces petits restes de muscles, hein, parce que ça va fondre de plus en plus, puisque ce qu'a le monsieur, c'est que ses nerfs se détruisent. Oui. Donc, plus de nerfs, plus de faisceaux électriques, oui. plus de signal électrique. Pas de signal électrique, le muscle, il s'atrophie. Donc, c'est pour ça qu'il est en train de perdre tous ses muscles. Petit à petit. On a les deux mains presque paralysées. On avait fait un électromyogramme avec docteur Mignard, ça ne réagit plus aux décharges électriques. Ouais. Ben pour vous, dans la digitoponcture, peut soulager les souffrances. Ok. D'accord. Mais alors, vous voyez un kiné, là, vous disiez à l'instant. Il vit tous les après-midi, puisque moi, j'ai amputé l'autre jambe en attente d'amputation, du fait de la rééducation, disons, la réadaptation fonctionnelle. Là. Sinon, il bloque au niveau des articulations, et puis on a l'œdème sur une jambe pour drainer également avec les massages par botte, la pressothérapie. Et ces séances de kiné, vous en faites combien par semaine ? Tous les jours. Tous les jours. Sinon, les genoux, ils bloquent et puis ils ne drainent pas la jambe. Bon, la jambe devient plus grosse que la cuisse, après, on ne peut plus plier. Alors, je vais faire une comparaison. En Europe, en Occident, on dit qu'il faut s'arrêter au seuil de la douleur. En Asie, il faut dire qu'il faut aller au-delà de la douleur. Monsieur, jusqu'à présent, avec les techniques qui vous sont données, on s'est arrêté au seuil de la douleur. Mais essayez un digitoponcteur pour aller au-delà de la douleur et vous comparer. Oui, au-delà de la douleur. Côté moignon, pour muscler le moignon, il fait avec des séances d'électrodes. Ah oui, c'est obligé. Ouais. Hein je dirais même pour vous, équipez-vous d'appareils à électrostimulation et remplacez l'influx nerveux qui ne passe plus par vos nerfs par la machine. Ça vous aidera beaucoup. Ok. Ça peut vous aider beaucoup. Oui, bah, l'avant-bras, vous mettez 10 minutes de l'autre côté du muscle. Ce serait votre tâche quotidienne, quoi. Ouais. Hein, d'essayer d'avoir des petits muscles qui vont rester là avec un apport électrique externe. Voici c'était les conseils de nos experts, donc, de la médecine traditionnelle chinoise. Merci, Jean-Hugues. Merci. Allez, bon courage à vous. De la Possession. Allez. Alors, j'avais noté aussi que, en fait, vous utilisez beaucoup votre corps. Soit le coude, soit les mains, soit les doigts, c'est ça? Ça dépend de la corpulence du patient. Ah oui, j'ai déjà le plus gros patient que j'ai eu, il faisait 140 kilos. 140 kilos. 140 kilos. Bah, il faut y aller. Hein. sur la table, il y a deux comme vous qui est allongé, quoi. Vous voyez. Il faut de la patate pour y aller. Hein. Donc, et c'est vrai, vous allez utiliser vos doigts. Doigts, coudes, si, coude aussi. Genoux, j'ai jamais fait, mais si nécessaire. Ça se fait également. Ça se fait également. Genoux, pieds, talons. Très bien. 02 62 99 2000 pour poser toutes vos questions aux experts de la médecine traditionnelle chinoise. Et puis par SMS au 06 92 70 2000. Je vous donnerai la réaction de Jean-Louis tout à l'heure par SMS. Il a été victime d'une agression. Il souhaiterait retrouver un petit peu de force et de vitalité. Ouah, mon peuple souffert, prend son fer, les yeux ouverts. Bien que l'histoire en mer, pour mon fond de cœur dans son lot clair. Ouah, mon peuple souffert, pour prendre son fer, les yeux ouverts. Ah, nouveauté mondiale, te la tchè monter. Ah, nouveauté, consommer gaz qu'on y monte. Ah, nouveauté mondiale, te la tchè monter. Ah, nouveauté, consommer gaz qu'on y monte. Fais manière en ces nuits, oui mi sorte sans mou. Fais manière en ces nuits, d'où vient maille donne mon cours. Rien que bonnet à la vie longtemps, mon papa, mon maman. Mazine c'est gars pour jouer, de sous-garas dans l'eau des bonbons. Rien que bonnet à la vie longtemps, mon papa, mon maman. Mazine c'est gars pour jouer, de sous-garas dans l'eau des bonbons. Ah, nouveauté mondiale, te la tchè monté. Nouveauté, consommer gaz qu'on y monte. Ah, nouveauté mondiale, tu es là, tu es monté. Ah, nouveauté, consommer gaz qu'on y monte. Fais manière, elle c'est fin, mi monde paradis. Fais manière, mon bon Dieu, mon frère l'y béni. Mi vesis pour vivre mon pays le temps passé. Mi vesis mélanger sans mon famille dans le cabaret. Mi vesis pour vivre dans mon pays le temps passé. Mi vesis mélanger sans mon dallon dans le cabaret. Ah, nouveauté mondiale, tu es là, tu es monté. Ah, nouveauté, consommer gaz qu'on y monte. Ah, nouveauté mondiale, tu es là, tu es monté. Nouveauté, consommer gaz qu'on y monte. Ah, nouveauté mondiale, tu es là, tu es monté. Éric Pounous sur Réunion Première. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Jean-Louis, qui est de Grandbois, donc dans le sud à Saint-Pierre, qui dit victime d'une agression. Donc c'est vrai que depuis ça ne va plus du tout et il a peur de sombrer. J'ai l'impression de sombrer dans la dépression. Est-ce que la médecine douce, la médecine parallèle, pourrait apporter un mieux donc à Jean-Louis? Il faut comprendre que le traumatisme humain fonctionne dans les deux sens. C'est-à-dire, vous avez quelqu'un, il faut aller doucement pour pas se mélanger les pinceaux. Il a un physique de rêve, il est en forme, mais mentalement, il est pas bien. À force de miner mentalement, le corps va devenir pas bien. Donc ça, c'est le premier cas de figure de quelqu'un qui n'est pas bien ni dans son corps, ni dans sa tête. Ni dans son corps, ni le dans sa tête. Deuxième, c'est un monsieur, il a un corps complètement abîmé et un mental d'acier. À force de souffrir physiquement, tôt ou tard, le mental va tomber. Donc, on va avoir un autre patient qui sera pas bien dans son corps et dans sa tête. Mais pour mon ami, là, qui est un peu proche, hein, c'est, dont son cousin est un cousin à moi aussi, ce que physiquement, il va se trouver la parade à sa souffrance physique. C'est-à-dire, il a mal où, comment. Hein? Donc, il va faire la chaîne médicale. Il va chercher un médecin, il va chercher un kiné, des ostéopathes et tout ça. Et on va lui conseiller aussi un psychiatre. Non, là, on est dans la partie physique. Partie physique. Et puis, petit à petit, s'il ne trouve pas de solution, il va voir qui il veut, hein, un gourou, un digitoponcteur, tout ce qu'il peut. D'accord. Ça, c'est la partie physique. La partie mentale, maintenant. La faiblesse mentale réside dans la faiblesse de la capacité de se défendre. Lui, je suis sûr que c'est un monsieur, il a jamais pratiqué un art de combat, tout ça. Il s'inscrit quelque part, il s'entraîne à frapper, il s'entraîne, il agresse. Dès qu'il deviendra lui-même quelqu'un qui est capable d'agresser, il sera sauvé. Si vous voulez, s'il reste un mouton, il va se faire bouffer. On lui donne la possibilité de se greffer des crocs et des cornes pour devenir une bête d'attaque. S'il le fait, il s'en sort. Alors, pour Jean-Louis, il se trouve un sport de combat, et il va apprendre à se battre. Psychologiquement, ça ira mieux. Et physiquement, s'il est abîmé, ben, il trouve des gens capables de le remettre d'aplomb physiquement. Et il s'en sortira. Et lorsqu'il dit qu'il a peur de sombrer... Il le dit dans sa lettre. Je rappelle qu'il a été victime d'une agression, donc voilà, il a peur de sombrer. Sombrer, ça veut dire beaucoup de choses. Sombrer dans l'alcool, sombrer dans la dépression nerveuse, sombrer dans la peur, sombrer dans le suicide, sombrer dans pas mal de choses. D'accord. Donc, il n'a pas été précis dans ce qu'il dit, mais on sent qu'il a besoin d'être aidé. Voilà. Donc, beaucoup de courage, il lui faut. Je m'amuse à dire que la peur, je connais pas. Non, c'est pas ça. La peur permet de survivre. Moi, je n'ai pas peur, mais je suis méfiant, donc je crains. Mais la frousse, je l'ai pas. J'ai appris à me battre depuis tout jeune jusqu'à aujourd'hui. Je suis un guerrier. Pourquoi aurais-je la frousse? Mais la crainte, je l'ai. Quelqu'un me parle fort, je surveille s'il va pas m'agresser. Mais c'est pas que j'ai peur. C'est de la prévoyance. On apprend à se battre toute notre vie pour ne pas avoir peur et pour être bien dans sa peau. Lui, il faut qu'il apprend à se battre. Voilà, donc... Art martial, plus traitement physique, plus les deux associés, on va faire de lui un guerrier. Les conseils pour Jean-Louis de Grandbois. J'ai décidé d'arrêter de fumer, ça a fonctionné parce que je suis passé par l'acupuncture, Brandon Chaniat, l'auditeur nous dit, mais ça a marché au début, mais j'ai repris. Cette personne n'avait pas assez de volonté, d'arrêter. C'est-à-dire que l'acupuncture ou le massage va aider dans le début à détoxifier un petit peu. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de fumer tant de cigarettes par jour. Au bout de 2 cigarettes, cette personne va trouver bizarre et va être rassasiée plus rapidement. Du coup, ça va aider pour le début à arrêter. Après, si cette personne, 2-3 mois après, réessaye de fumer, les résultats de l'acupuncture sera déjà parti. Donc, si faut vraiment. Il remet ça. Voilà, c'est ça. Donc. La volonté. La volonté avant tout. Ouais, ça c'est. La volonté, le souhait. C'est facile de dire. C'est un mot qui est facile à dire. Volonté. Georges Chaniat. Alors moi, j'aimerais avoir la volonté de perdre quelques kilos que j'ai pas eu et que j'attends toujours. Je cherche. J'ai pas encore trouvé Monsieur Volonté. Madame Volonté. 02-62-99-2000 et puis par SMS au 06-92-70-2000. On revient juste après, évidemment, sur la première. And I can't slow it down. Juste après 11h sur Réunion Première au 02 62 99 2000, les experts de la médecine traditionnelle chinoise. Il est 11h, l'info avec Antoine Garnier. Bonjour Antoine. Bonjour Claude, bonjour à tous. Les suites de l'enquête sur le viol d'une étudiante lundi après-midi dans une résidence du campus du Moufia à Saint-Denis. Le jeune homme interpellé mardi après-midi a été remis en liberté hier à l'issue de sa garde à vue. Les policiers de la Sûreté départementale poursuivent leurs investigations. Cette affaire avait conduit, je vous le rappelle, des centaines d'étudiants à descendre dans la rue pour demander plus de sécurité sur le campus. Hier, le président de l'université et le directeur du CROUS ont annoncé que 220 000 euros seraient débloqués afin de doubler notamment le nombre d'agents de sécurité présents sur le campus et d'améliorer la sécurité des bâtiments. La sécurité à la fac, c'est sur le campus et d'améliorer la sécurité des bâtiments. La sécurité à la fac, c'est l'actualité. Ce jeudi à Saint-Paul, 42 caméras devraient prochainement être installées sur le territoire communal, dans le centre-ville à la gare routière, à Boucan-Canotte, aux Roches-Noires, dans le centre-ville de Saint-Gilles-les-Bains, également dans le secteur des boîtes de nuit. La question sera évoquée cet après-midi lors du conseil municipal qui inscrit ce système de vidéo dans la lutte contre la délinquance. Dans le reste de l'actualité, dans la zone, Erika Barecht est arrivée ce matin à Mayotte. Il s'agit de son premier déplacement officiel depuis sa nomination à la tête du ministère des Outre-mer. La ministre est attendue de pied ferme sur l'île aux parfums, notamment par les syndicats de la fonction publique qui appellent à une grève de 3 jours depuis hier. Qu'attendent les Mahorais de cette visite ministérielle? Élément de réponse dans le journal de la mi-journée. À 18h15 ce soir, nous sommes jeudi, place à la culture sur Réunion Première Radio. Culture Première, Jean-Paul Mélade recevra Muriel Enrico pour la 7e édition du Salon du Livre de la Jeunesse qui se tiendra du 5 au 9 octobre au port. Philippe Bonhomme viendra nous parler de la première édition du concours Un mobile, un film, une minute. Vous avez jusqu'au 31 octobre pour vous inscrire. Et Teddy Moutalika viendra parler, lui, du festival Enfants Zilois, prévu le vendredi 7 octobre au Petit Stade de l'Est. Il est 11h et bientôt 3 minutes. Un point sur l'actualité nationale et internationale avec France Info. Pas d'augmentation des pensions cette année. Les retraités ont donc décidé de manifester. Des cortèges sont prévus un peu partout aujourd'hui. La pension moyenne d'un retraité est de 1300 euros. 1 million de retraités sont considérés comme pauvres, explique sur France Info un délégué syndical Force Ouvrière. La réponse de Nicolas Sarkozy aux attaques de son ex-conseiller Patrick Buisson, des accusations et petites phrases compilées dans un livre qui sort aujourd'hui. L'ancien chef de l'État lui était en meeting pour la primaire de la droite hier soir à Chantilly. Il assure qu'il ne se laissera pas impressionner par la bassesse, la calomnie et la trahison. L'hommage de la nation aux victimes de l'attentat de Nice, 86 morts le 14 juillet, aura bien lieu dans deux semaines, le 14 octobre. Confirmation de la secrétaire d'État aux victimes, Juliette Méadel. La colline du château à Nice a été choisie. C'est la première fois qu'une telle cérémonie est organisée ailleurs qu'à Paris. Les frères Kouachi, auteurs de l'attentat de Charlie Hebdo, s'y étaient retranchés en janvier 2015. L'imprimerie de Dammartin en Gouëlle rouvre aujourd'hui. Inauguration à 10h en présence de François Hollande. 20 mois après, la douleur est toujours là, dit le patron de l'imprimerie, Michel Catalano, sur France Info. Le PSG, pas toujours convaincant hier soir, mais qui repart tout de même gagnant de Bulgarie. But de Matuidi et doublé de Cavani pour un succès 3-1 contre Ludogorets dans le choc de cette soirée de Ligue des Champions de football. L'Atlético Madrid bat le Bayern Munich, le score 1-0. Un coup d'œil sur la météo. Il fait beau ce matin. D'ici cet après-midi, les nuages seront dans l'intérieur sur le long des pentes des régions orientales avec un petit grain de pluie qui serait même prévu. En revanche, le littoral au sud de Saint-Gilles restera au soleil. Les températures maximales jusqu'à 29 degrés sur le littoral. Au volcan et dans les hauts, le mercure se situe entre 16 et 19 degrés. Stress, anxiété, en manque d'appétit, des nuits difficiles, des maux de tête à n'en plus finir, les douleurs musculaires qui apparaissent à quelques jours du départ du Grand Raid. Vous avez besoin de conseils, besoin de retrouver de la vitalité, de la force morale et mentale. On en parle jusqu'à 11h30 sur Réunion Première. 10h midi, les experts avec Claude Montané. Avant d'être avec toi, j'étais pas sérieux. Faire le con et m'éclater, pour moi y avait rien de mieux. Tu m'as reformaté, tu étais si précieuse à mes yeux. Jamais j'aurais risqué de recommencer mes jeux dangereux. C'est venu comme un retour de flamme, je me suis retrouvé du mauvais côté. J'étais à fond mais sans état d'âme, tu as joué, je n'ai rien capté. C'est venu comme un retour de flamme, je me suis retrouvé du mauvais côté. J'ai eu mal songé, je t'ai les armes, je l'ai payé, ça fait arriver. On m'avait dit de me méfier, on m'avait dit de me méfier. Moi qui jouais les guerriers, dans le dos tu m'as fusillé. On m'avait dit de me méfier, on m'avait dit de me méfier. Moi qui jouais les guerriers, dans le dos tu m'as fusillé. Mon ardoise était pleine d'amour, aujourd'hui règle ses comptes. Mais comment ai-je pu être aussi naïf, j'ai tellement honte. Oh, c'est revenu comme un retour de flamme, c'est trouvé du mauvais côté. J'étais à fond mais sans état d'âme, tu as joué, je n'ai rien capté. C'est revenu comme un retour de flamme, c'est trouvé du mauvais côté. J'ai eu mal songé, je t'ai les armes, je l'ai payé. On m'avait dit de me méfier, moi qui jouais les guerriers, dans le dos tu m'as fusillé. On m'avait dit de me méfier, on m'avait dit de me méfier, moi qui jouais les guerriers, dans le dos tu m'as fusillé. J'étais à fond mais sans état d'âme, tu as joué, je n'ai rien capté. C'est revenu comme un retour de flamme, je suis retrouvé du mauvais côté. J'ai eu mal songé, jeté les âmes, je l'ai payé, dans le dos tu m'as fusillé. Les experts de la médecine traditionnelle chinoise sont sur Réunion Première. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Marie de l'Ouest, bonjour Marie. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour Marie. Oh Marie, vous avez une petite voix, vous. Hein. Ah oui. Ça va pas Moyen. Moyen, ouais. Moyen, voilà. Alors, que ça arrive à où? Elle arrive à moi, voilà, j'ai eu des problèmes au lombaire. Et ouais. J'ai eu un blocage à la jambe aussi, en même temps, j'ai fait infiltration au niveau du lombaire, ouais. Mais je pense que ça n'a pas marché. Ouais. Mais il y a aussi des piquements, comme des... Picotements. Des picotements, c'est comme des éléments là, qui prennent dans la jambe, là. Ouais. Mais j'ai vu aussi un... Comment ça s'appelle? Un neurologue. Ils n'ont rien trouvé. Oui. Mais là, j'ai fait du kiné. Oui. Mais je ne sais pas qu'est-ce que ça va me donner maintenant. Ah, vous allez commencer à faire des séances de kiné? Mais là, j'ai fait. Ah, vous faites. J'arrête, ouais. Je recommence, mais ça ne donne rien du tout. Avant l'infiltration, on a trouvé quoi au niveau du dos? Mais on m'a dit qu'il y a un pincement et en même temps, un hernie discale. Voilà, c'est ça. Oui. Je sais pas, mais moi j'ai pas envie d'opérer. Voilà. D'accord. Et c'est une grosse hernie du coup? On vous a conseillé de voir un neurochirurgien. D'accord. Mais j'ai pas été encore. Il faut le voir puisque c'est un conseil de votre médecin, c'est oui, ça? Oui, bien sûr. Mais je dis avant de voir ça, peut-être qu'il y a une autre solution. Voilà. Alors ces pincements, est-ce qu'on peut expliquer aux auditeurs, Georges Chaniat? C'est quand on ça. Parle de pincements. Les vertèbres sont la colonne vertébrale est conçue comme ça. Il y a une vertèbre. Entre les deux, il y a un disque. Oui. Qui est un peu élastique, mais pas complètement. Dans ce disque, au centre, il y a un noyau. Et au-dessus, il y a notre corps vertébral. Donc, vous voyez, c'est un empilement. Et quand il y a un tassement, il y a un écrasement où on se penche trop d'un côté ou de l'autre. Oui. Ça fait comme une noix. Le noyau va défoncer le disque, ouais. Et va déformer le disque, et ça va sortir un peu. Et malencontreusement, à cet endroit que ça sort, ça rencontre direct les nerfs. Tous les nerfs passent juste à la périphérie de ces disques-là. Donc si vous comprimez un nerf, il y a un pincement. C'est douloureux, ça. Voilà. Et ça peut endormir une jambe, ça peut carrément. Alors, si l'hernie est vraiment important, la chirurgie est nécessaire. Ouais. Parce que ça va bloquer complètement, vous allez avoir une jambe complètement nécrosée. Parce que l'influx nerveux ne passe plus. Hein? Mais il y a beaucoup. Vous avez quel âge, madame? Moi, j'ai 50 ans. Bon, il y a beaucoup de travail qu'on peut faire autour, hein, oui. Des techniques chinoises pour. Oui. Relâcher tout ça, oui, oui. Pour décomprimer tout ça. Oui, oui. Mais si vous continuez à soulever des sacs de ciment, oui. Sur la tête, bon, ben, ça ne va pas le faire. Vous comprenez ce que je veux dire? J'ai remarqué aussi que je fais quelque chose, au bout d'un moment, je ne peux plus, je suis bloqué à la jambe. Voilà. Mais par contre, j'ai fait aussi une chute sur ma jambe-là, sur ma jambe droite qui se bloque en même temps. Oh, oui, voilà. Donc vous n'êtes pas en surcharge? Un peu. Un peu. La première chose, c'est perdre au moins 10-15 kilos. C'est ce qu'on vous a dit apparemment, là, Marie. Oui. C'est ça? Oui, oui. Hein? On allège la pression, évite de soulever des trucs lourds. Oui, voilà, et on fait de l'exercice physique pour renforcer les muscles pour empêcher le tassement. Oui. Mais avant d'arriver à tout cela, il faut débloquer tout ça pour que la vie soit acceptable. Alors, essayez toutes les techniques. Quand vous voyez que ce n'est plus possible, adressez-vous à la médecine chinoise, par exemple. Mm-hmm. Et puis alors, Brandon Chaniat, oui, pardon. C'est lorsqu'elle parlait qu'il faut perdre quelques kilos avant, ou ça peut avoir des solutions après, elle pourrait retrouver un petit peu de mieux dans sa santé. Si on parle de 15-20 kilos, oui. Mais après, si c'est une surcharge de 3-4 kilos, ça sert à rien pour son dos. C'est au-delà de 15 kilos. Ouais. Mais aussi, excusez-moi. Oui. Après, je trouve que après l'infiltration, c'est là j'ai vu que, mais en me pesant, ça restait pareil le poids. Mais je vois que c'est comme si je suis gonflée. Vous voyez? Voilà. Comme si vous êtes gonflée. Voilà, oui, j'ai pris pareil pour moi. En volume. Voilà, mais le poids, ça reste pareil. Ah, vous avez l'impression d'être d'être en idem. Voilà. Enflée. Ah. Comme si que. Je sais pas, j'ai pris du ventre, voilà. Ah ouais? Voilà. Alors que ce n'est pas le cas. Ben non, c'est pas le cas, quoi. Parce que je faisais beaucoup de mon travail, c'est beaucoup de marche, quoi. Oui. Je faisais du porte-à-porte, mais je sais pas, mais après... depuis, je suis déçue de l'infiltration. Mais on m'a reconseillé de refaire, mais c'est pas... c'est pas dans les médias, quoi. Non, vaut mieux voir le neurochirurgien en, voilà. dans un premier temps, oui, voilà. et d'avoir son avis. Et oui. puis, si on vous dit que c'est pas obligatoire, que c'est une petite hernie, oui. dans ce cas-là, on pourra faire quelque chose, on pourra essayer de trouver une solution. Oui. Par contre, si on vous dit que c'est une grosse hernie et que qu'il faut opérer, vaut mieux suivre les conseils avant tout. Mais est-ce que c'est envisageable de faire un indiscal, c'est pas dangereux après l'opération? C'est ça, moi, c'est l'inconvénient, l'avantage aussi. Je vous dis, voilà, l'anesthésie, tout ça, c'est toujours à risque. Oui, hein, le liséreux n'existe pas. Si on peut éviter, il faut l'éviter. Oui. Comme vous avez appelé à la radio ce matin, je peux vous aider. Trouvez-vous une barre fixe et suspendez-vous avec votre main. Et laisser descendre le corps, redresser le, ça va détasser. Et vous allez voir que ça allait mieux. Mais attention, quand vous êtes suspendu suffisamment de temps, quand vous allez lâcher, vous allez chanter, hein. Quand la pression revient, ça fait très mal, hein. Faut pas lâcher son corps d'un coup. Pas d'un coup, hein. Lâchez le corps tout doucement, hein. Voilà, faites ça souvent, vous allez voir. Ce genre d'exercice là, avec voilà, la de barre, là. J'ai pas compris. Vous accrochez à une barre n'importe quoi, ou bien. Une branche d'un vieux piémont, quoi. Après, vous laissez aller tirer sur le bas. Vous laissez votre corps, c'est descendre, ça descendre, voilà. Ouais. Et faire l'élongation de la colonne. Ah ouais, hein, tirer vers le bas. Parce que même, j'ai fait quelques séances, oui. Une séance de stéopathe, mais il n'y a rien. Une séance, mais après, peut-être, ça ne suffit pas. Voilà, ça ne suffit pas. Voilà. Tout ça, ça, c'est pour vous aider, ça. Oui, mais c'est pareil. Hein? Pareil. Retrouvez surtout un moral d'acier, faites ce que... Vu que je peux continuer les travails du quotidien aussi. Suivez les conseils de nos experts. Alors, je rappelle que cela reste de la médecine douce et ne saurait remplacer un avis médical, on est bien d'accord. Oui, merci à vous, Marie. À bientôt sur Réunion bon Première. Courage, bon courage pour la suite. Merci. 8h, 10h, la colle Jacques avec Jacques Reven. À l'émission des signes de terroir, ça que nous yam. Ah ben là, moi les devant ma rouge à l'âge. Chicken like, on les confit, donne piment, les bons. Radio Ménage. Vous avez comment la voix signifie dans le terre. Partagez vos croyances et légendes. Les gens aient parlé avant, maintenant est-ce que les vrais, pas vrais. La colle Jacques avec Jacques Reven, du lundi au vendredi, de 8h à 10h sur Réunion Première. Rappelez-vous, Anouchka Pépin, gagnante de la saison 1 de Kid Créole sur Réunion Première. Aujourd'hui, découvrez Mon Étoile, son duo inédit avec Pixel. Une incroyable consécration pour la petite réunionnaise. Toi aussi, tu peux vivre ce rêve et enregistrer ton premier single produit par SS Kairon. Tu as entre 8 et 15 ans? Inscris-toi sur le site kidcreole.re avant le 30 septembre et participe à la saison 2 de Kid Créole, le talent show Made in Réunion Première. Les experts, vos questions au 02 62 99 2000. Vos SMS au 06 92 70 2000. Maria de Saint-Paul est avec nous en direct sur Réunion Première. Bonjour Maria. Bonjour à toutes les personnes qui sont sur le plateau là. Vous roulez là Maria, vous êtes en train de rouler. Oui mais j'inquiète ma libre. Alors, bonjour Maria. Oui, alors là, je vous appelle, j'insiste aussi, c'est parce que je fais du sport et généralement, après une séance, je sais pas moi, de marche, je descends ma patte et je remonte, j'ai les pieds qui sont gonflés pendant une semaine. Oui. Des pieds qui sont gonflés après quelques randonnées? Voilà, tout à fait. Et la jambe, non? Non, la jambe, ça va, c'est juste au niveau de la cheville, là. D'accord. Vous faites de la rétention d'eau, vous prenez un traitement, Non, je ne prends pas de médicaments. Souvent, je vois le médecin, mais il n'y a pas de médicaments, il ne me donne pas de médicaments. C'est vrai, après, c'est héréditaire, hein. Donc, déjà, la famille fait rétention d'eau, je mange très peu de sel, mais ceci dit, je souhaite trouver une solution à ce problème-là. Est-ce qu'il existe, oui, Brandon Chania. Est-ce que quand vous mettez vos baskets, vous serrez fort? Peut-être que ça peut bloquer. Non, parce que c'est quand même assez. Je veux dire, il y a de la place, il y a une marge. Non, vous comprenez? Ouais, que ouais. Je ne sois pas trop compressé. Bien sûr. Ouais, même dans les vêtements ou autre. Et ça s'est apparu récemment? Non, ça n'a pas hésité. Mais là, ça, l'occasion fait que là, je suis en route, je peux vous appeler. Voilà. Ah, d'accord. Et vous avez quel âge? J'ai 48 ans. Sur le plan rénal, c'est bon? Il n'y a pas de, d'insuffisance rénale? Pas de problème. Il y a eu des examens qui ont été faits, tout ça, non, il n'y a rien. Bon. Il n'y a pas de douleur à la cheville? Non, il n'y a pas de douleur, il y a juste les muscles qui sont gonflés, quoi. Donc là, si demain vous descendez dans ma fat, vous remontez, vous avez les pieds qui gonflent. Voilà. Alors, certaines personnes, hein, je veux dire, encore, par exemple, je suis avec mon mari, si on fait un peu de sport, etc. Lui va faire du poids, moi au contraire. Quand je vais retourner après une séance de sport, je vais plutôt avoir, on va dire, quelques grammes en plus, quoi. Ah bon? Incroyable. Non, j'ai entendu ça. Moi. Je suis mon cerveau est en train de chauffer. Vous avez déjà entendu Ah oui, non, mais vous avez pas de démangeaisons, tout ça, les clean. Non, il y a pas de démangeaisons. Là, c'est vraiment les pieds qui sont gonflés pendant 3-4 jours, quoi. Mais comment on fait pour aller travailler après 3-4 jours, hein. Non, c'est pas handicapant pour aller travailler. Hein. C'est pas handicapant, d'accord. Juste... Non, pas du tout. Voilà, ça m'empêche pas de marcher ou quoi. Ah, quoi. D'accord. C'est pas douloureux, rien. Mais les pieds. Non, pas du tout. Quand on regarde, on voit derrière, il y a trop d'eau, quoi. C'est tout ça, je suppose. Et quand vous marchez, vous buvez beaucoup ou pas? Oui. Et vous transpirez beaucoup ou pas? Non, mais transpire pas trop. Bon, déjà, hein, bon, on a trouvé un semblant, là. Hein. Après, plein de vue, petit besoin, il fait pas du tout, il fait un peu. Si, mais quand c'est les yeux, les sentiers, c'est pas forcément évident, mais si, mais je veux dire, si. Pas beaucoup. Moi, je pense que peut-être qu'elle doit faire un désintox de métaux lourds. Désintox de métaux lourds. Oh là là, en fait, peu rarement, bien mis en poisson. Ou mange beaucoup de poissons? Oui, mais mange, oui. Parce que dans les poissons de nos jours, quoi, hein, il y a beaucoup de mercure, il y a beaucoup de métaux lourds. Oui. On s'intoxique avec ça. Et les métaux lourds, ça fait que les pieds sont enflés. Oui. Ouais, mais assez régulièrement. Elle, c'est pendant l'effort. Je réfléchis comment ça se passe. Pendant l'effort, elle boit beaucoup. Et elle urine pas suffisamment et elle transpire pas beaucoup. Conclusion, cette eau doit aller quelque part. Donc cette eau va dans l'endroit. Va à l'endroit où il y a les métaux lourds. Ah, je vous explique. Il y a des petits appareils qu'on vend 100 euros, je sais pas où ça se vend d'ailleurs, hein. Où on met du sel, on met de l'eau tiède et puis on met un électrode dedans, on met la machine en route, l'eau devient couleur à la rouille et on plonge les pieds dedans pendant 40 minutes. D'accord. Bon, c'est cet appareil-là faut chercher. D'accord. Et vous pensez que cet appareil-là va permettre de diminuer l'eau? Voilà. Avec ça, vous allez avoir les pieds qui vont moins se prendre en eau comme ça. Mais alors, est-ce qu'il faudrait qu'elle diminue un peu sa consommation de poisson ou pas, Brandon Chaniot? Ben, si elle continue à manger autant de poisson, qu'elle fasse gaffe qu'elle, diminue à la un façon peu, de le cuire, à la façon de manger, et tout ça. Et d'autant plus, ça, comme il connaît que le sel aussi n'est pas très bon pour les personnes qui font la rétention d'eau là. Donc, il se paye aussi alimentation. Oui, ça, c'est important. Un petit peu moins de sel. Oui, c'est important. Voilà, même s'il mange moins de sel, je sais pas. Ouais. D'accord. Donc. Voyez là, un petit coup ça. Ils appellent ça le spa détox. Bon, là, métaux lourds. Tape sur Google, on trouve ça. Merci Maria. Allez, bonne journée. On essaye de trouver une solution pour vous aider. Hein. Première. Merci. Allez, au revoir. Il vous reste moins de 10 minutes pour joindre Mathias au 02 62 99 2000. Les experts de la médecine traditionnelle chinoise sont avec nous. Les questions par SMS au 06 92 70 2000. Saint-Denis, de Mouni Foule dans grand bazar, bouillon la son poula gogo, ou bandalon, il saute danser, loulou pitou, Maxime la hop, Gilles Alanda et Kumadoré, l'orchestre en cuivre les pas trop loin, il donne le grain dans le salon bal. Paquet, paquet, paquet, maloya, sexega aussi, dans le cœur rayonné tiwa, ça nous patrimoine aussi. Paquet, paquet, paquet, maloya, sexega aussi, dans le cœur rayonné tiwa, ça nous patrimoine aussi. Il marche dans le fait côté bois rouge, dragon chinois y impressionne. Dans la prière, dans la mosquée, Jaco Malba fait grand marmaille. Gramoun lélé, vieux en main viri, toutes les entrances dans un cabar. Marmaille caté devant l'église, y joue canette quand à la porte. Paquet, paquet, paquet, maloya, sexega, sexega aussi. Dans le cœur rayonné, tu vois, ça nous paquet, paquet, paquet maloya. Sec, sega aussi. Dans le cœur, rayonné, tu vois. Ça nous patrimoine aussi. Dans notre racine, Maloya Sega, les mélanger comme nous couleurs et nous coutume. La panne, les petits forblots, les dés ensemble, ils donnent paquet. Paquet, paquet, paquet, Maloya, sec, Sega aussi. Dans le cœur, rayonner, tu vois, ça nous patrimoine aussi. Paquet, paquet, paquet, Maloya, sec, Sega aussi. Dans le cœur, rayonner, tu vois, ça nous patrimoine aussi. Paquet, paquet, paquet, Maloya, sec, Sega aussi. Dans le cœur, rayonné, tu vois, ça nous patrimoine aussi. Paquet, paquet, paquet, Maloya, sec, Sega aussi. Dans le cœur, rayonné, tu vois, ça nous patrimoine aussi. Direction Saint-Paul pour retrouver Nico au téléphone. 10h midi, les experts avec Claude Montané. Nico, bonjour, vous êtes bien gentil mon garçon, parce qu'on appelle pour votre maman, c'est ça? C'est un gentil garçon, ça a toujours été. Bonjour. Bon marmaille, c'est Nicolas. Hein. C'est un bon moon. Ouais. Ah, bon, on voit que vous connaissez. C'est de bon moon. Non, mais il connaît pas lui. Ah, mais c'est de bon moon. Quand il appelle pour son moment. Ah, ben rien. Bah oui. Ah. Allez, Nico. Non, peut-être que ça pourrait me servir plus tard. Alors, Nico, que ça l'a fait? Oui, non, j'ai ma mère qui souffre de ses articulations, particulier au niveau des genoux, avec du liquide qui vient prendre possession et gonfler le genou, et ça devient extrêmement douloureux et paralysant. Donc, ça tourne en rond depuis quelque temps, et on ne sait pas très bien qu'est-ce qu'il faut faire, comment agir. Donc, elle a vu son médecin, qui lui donne des anti-inflammatoires, qui a fait des ponctions pour enlever l'eau, et qui aurait aussi fait une injection... de cortisone à l'intérieur. Mais ça ne change en rien au problème, pas pour le moment. Les douleurs sont toujours présentes, hein, c'est ça? Extrêmement présentes, oui. Elle a quel âge? 72 ans. 72 ans. Ben écoutez, la digitoponcture peut beaucoup pour ces gens, parce que justement, c'est une personne dont l'énergie vitale a baissé. Elle ne peut plus gérer les maux qu'elle a essentiellement au genou actuellement, quoi. Ouais. Donc, si on remet en charge son potentiel énergétique, ça va beaucoup l'aider. Et on peut traiter directement sur le genou. Ça va calmer la douleur presque immédiatement. Et les douleurs sont apparues à partir de... Il y a à peu près trois mois. Elle avait déjà une première séance au niveau du dos, puisqu'elle avait une sciatique. Ouais. Bon, ça a disparu, et ensuite c'est apparu au niveau du genou. Et de temps en temps, ça arrive aussi au niveau des mains. Donc là, depuis quelques jours, ça attaque les mains aussi, quoi. Donc, comme c'est quelqu'un de très très dynamique, voilà, c'est handicapant physiquement, mais moralement aussi. Bah, moralement, ça va attaquer le moral. C'est ce que je viens de vous expliquer. Si on lui redonne pas ses capacités, ça va aller en se dégradant au fur et à mesure aux autres endroits, quoi. Voilà, exactement, ouais. C'est bien ce que je crains. Donc une bonne séance de remise en énergie est nécessaire pour elle. Ouais, Elle sera regonflée à bloc, Nico. Merci beaucoup. À bientôt sur Réunion Première. Merci, Nico. Alors, il y a Marie-Claude qui dit « J'ai une douleur au genou suite à un choc dans un rocher. » Oula, ça... Bon, première question, choc mal, depuis combien de temps ouais. Et puis... Marie-Claude dit que maintenant, le mal est derrière, donc au creux de la jambe. Oui, mais si la zone est atteinte et que rien n'est fait, ben ça va s'élargir. Ça va s'élargir. Ouais, ouais. Hein, donc il faut vite traiter, déjà, ne serait-ce le genou plus elle. Déjà après un choc, ça crée un hématome, ça crée un blocage d'énergie, donc il n'y a plus rien qui circule là, je pense. Donc c'est pour ça que derrière aussi, ça derrière, commence à se bloquer. Derrière, oui. Ouais. D'accord. Donc là, il faudrait plutôt pour Marie-Claude. Il faut débloquer cet ensemble-là lui redonner la capacité de s'auto-guérir. Alors, il y a notre auditrice qui dit que ma fille de 26 ans se plaint depuis quelques jours, notamment du mollet gauche qui chauffe. Mais, alors, c'est ça qui surprend un peu, c'est qu'elle n'a pas mal. Ça chauffe, mais elle n'a pas mal au niveau du mollet. Un déséquilibre yin-yang. Il y a trop de yang sur le mollet gauche, et bien ça fait que... Un déséquilibre du yin et du yang. Le plus et le moins. Quand il y a le plus d'un côté, c'est le côté qui surchauffe, qui fait mal, qui se trouve mal en point, quoi. Donc ça peut arriver qu'on ait des douleurs, mais que l'on ne ressente pas ces... Enfin, elle ressent une sensation. Comment vous expliquez ça? Vous êtes enflammé de la gorge. D'accord. Oui. Vous sentez que c'est pas bien. On sent ça, oui. Bah, ouais. Après, vous êtes vraiment enflammé, il y a une douleur avec. C'est pareil. Ouais. Mais les deux, c'est la même chose. Hein. Donc, c'est le feu qui a trop. C'est l'intensité qui peut pas. C'est l'intensité qui diffère. C'est l'intensité qui diffère. Qui diffère. Ouais. Elle est en période de sensation de plus chaud. Pas encore la sensation de douleur parce qu'elle est jeune. Elle gère encore cette capacité-là. Après, on ne sait pas c'est à quel moment. On ne sait pas ce qui s'est passé exactement. On ne peut pas non plus. Là, on traite le dossier plus large, mais quand une personne est devant nous, on est perspicace. Hein, le petit degré, le nombre de jours, quand est-ce, à quel moment, à quel âge vous avez, quel sexe vous êtes, comment vous vivez, comment vous mangez, ce que vous faites comme métier, tout ça est mis sur la table pour que nous, on détecte la cause. Nous, le plus important pour nous, c'est pas dire, il y a un bobo là, je mets un scotch dessus. Ouais. Pourquoi vous avez eu le bobo? Alors, quelques petits conseils. On parlait de l'alimentation tout à l'heure, Georges et Brandon Chaliat. Il y a des petites choses à faire aussi le matin quand on se réveille, non? Deux conseils. Manger de tout. Un petit peu de tout. Un petit peu de tout. Voilà. Le matin, quand on se lève, quand on est jeune, on n'a pas besoin de se débloquer. Mais quand on a atteint les 40 ans, prenez le temps de faire des exercices d'assouplissement. J'ai vu une dame, je vois une dame pratiquement tous les matins. Elle a mon âge. Et je la vois qui donne le grain même, il dit, madame, autant d'efforts, pourquoi? Parce que ça me fait du bien. Mais il dit, c'est un bien, mais si vous le faites pas, vous êtes pas bien. Mais vous savez, avec autant d'efforts que vous faites, vous êtes en train d'user la machine. Faire autant d'efforts pour une épreuve sportive, je comprends, mais faire autant d'efforts juste pour aller bien, vous êtes en train d'user. Alors, faites le minimum pour être bien. Faites le minimum, modéré un petit peu. Voilà, et use pas trop les articulations. Non, surtout à cet âge-là. Voilà, 61 ans, il ne faut pas trop user. Il faut garder un peu pour 70 ans. On a le temps de retrouver Laetitia de Saint-André au téléphone. Bonjour Laetitia. Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour Laetitia. Alors, je vous appelle. Alors, il y a au bout de 6 mois, j'ai une tendinite au poignet. J'ai fait une radio, c'est une tendinite, mais avec les massages, kiné, tout ça, mais ça ne se passe toujours pas. D'accord. Et j'ai un bébé de 8 mois et c'est pas facile. Oula, oui. Ouais. La journée. Oh là là. On m'a dit, et le docteur justement m'a dit que c'était des gestes répétitifs que je faisais, donc c'est peut-être ça. Mais ça me fait mal beaucoup, au niveau de l'os surtout. Dans ces cas-là, une solution, c'est le papa qui porte le bébé. Elle va pas travailler la journée. Ah, bon, ben, il y a la poussette. la poussette, ben oui, mais il peut pas. Mais un roulet PAC. Non, tout ce qui est. Alors, je vais être direct. Tout ce qui est tendinite, quand les gens viennent me voir, je dis serrez les dents. Serrez les dents. Serrez les dents. Serrez les dents. Parce que moi, je ne m'arrête pas au seuil de la douleur. Je vais au-delà. D'accord. Après, ça fera son effet. Mais si on reste au seuil, ça ne va pas aller. Laetitia. Laetitia. Oui. Serrez les dents pour voir. Voilà, mais il y a voilà la médecine douce, la médecine parallèle a des enfin ça a des solutions notamment pour la tendinite. Merci Laetitia. Merci. À très bientôt. Merci. Gardez le sourire. Bientôt sur Réunion Première. Merci à Georges et Brandon Chania d'avoir été avec nous ce matin. Vous êtes les experts de la médecine traditionnelle chinoise. C'est de la médecine douce et parallèle. Merci encore. À très bientôt. Merci Claude. À bientôt. Au revoir. Prochain rendez-vous avec les experts, nous serons notamment sur les droits de succession, sur le partage, sur les biens immobiliers, le testament, le contrat de mariage, le divorce, le patrimoine. Le notaire qui répond à toutes les questions demain de 10h15 à 11h30 sur Réunion Première au 02 62 99 2000. Et puis vous allez pouvoir aussi parler un petit peu de tout ce qui dit donation, garder l'usufruit, la succession, les droits, vos devoirs surtout. Au 02 62 99 2000 demain, donc sur Réunion Première. Première. Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? Il est où le bonheur? Il est où? Il est où? J'ai fait l'amour, j'ai fait la manche. J'attendais d'être heureux. J'ai fait des chansons, j'ai fait des enfants. J'ai fait au mieux. J'ai fait la gueule, j'ai fait semblant. On fait comme on peut. J'ai fait le con, c'est vrai. J'ai fait la fête, ouais. Je croyais être heureux. Mais y a tous ces soirs sans pote. Quand personne sonne et ne vient, c'est dimanche soir dans la flotte. Comme un con dans son bain, essayant de le noyer mais il flotte. Ce putain de chagrin. Alors je me chante mes plus belles notes et ça ira mieux demain. Il est où le bonheur?

n'aime pas la crise. Épanoui et l'exil, les trésors satinés, dorés à souhait. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, de l'aube à l'aube. Le mardi, le mercredi, le jeudi, le vendredi, de l'aube à Vous écoutez Réunion Première, il est midi moins 10, les avis de décès. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèque et Complémentaire Santé. Décès de Monsieur Amouni Samy Jean-Baptiste dit Iris. Monsieur Amouni Samy Jean-Baptiste dit Iris. Décès survenu à l'âge de 78 ans. Le convoi sortira de son domicile au 36 rue du Lavoir. Cambuston à Saint-André. Aujourd'hui, jeudi 29 à 15h. Une cérémonie et tamoul aura lieu au domicile à partir de 13h, suivie de l'inhumation au cimetière de Saint-André. Décès de Payette Jackie-Yves. Payette Jackie-Yves, décès survenu à l'âge de 48 ans, domicilié au 211 rue d'Achéry au Tampon. La bénédiction aura lieu à 15h aujourd'hui à la Chapelle Ardente. La levée du convoi donc à 15h30 pour le cimetière du Tampon. Décès de Madame Malin et Baudet Marie-Irène, dite Madame Mardet, Madame Malin. Née Baudet-Marie-Irène, décès survenu à l'âge de 83 ans. Le convoi sortira de son domicile au 449 route nationale 2 à Piton-Sainte-Rose. Aujourd'hui à 15h30, la bénédiction aura lieu en l'église de Sainte-Rose à 16h, suivie de l'inhumation au cimetière de Sainte-Rose. Décès de Madame Bonheur-Marie-Vivienne, née Sautron. Madame Bonheur-Marie-Vivienne, née Sautron, décès survenu à l'âge de 67 ans. Le convoi sortira de son domicile au numéro 20, route nationale 2 Bourbier-les-Bas, Saint-Benoît. Aujourd'hui, jeudi 29 septembre à 16h, la bénédiction aura lieu en l'église de Saint-Benoît à 16h45, l'inhumation au cimetière de Saint-Benoît. Décès de Monsieur Igouf Aristène Georges-Marie dit Géouet. Monsieur Igouf Aristène Georges-Marie, décès survenu à l'âge de 84 ans. Le convoi sortira de son domicile au numéro 130, chemin Galias-Léo à Petit-Saint-Pierre à Sainte-Anne. Aujourd'hui à 14h, la bénédiction aura lieu en l'église de Sainte-Anne à 14h30. L'inhumation au cimetière de Sainte-Anne. En métropole, décès de Madame Rigbourg, née cadet Josiane. Madame Rigbourg, née cadet Josiane, décès survenu à l'âge de 81 ans. La date et l'heure des obsèques vous seront précisées ultérieurement. Décès de Madame Lebon, Marthe Ruffin. Madame Lebon, Marthe Ruffin, décès survenu à l'âge de 84 ans. La veillée a lieu au domicile au 223 rue Edmond Albius à Saint-Joseph. Le convoi donc sortira du domicile et donc c'est aujourd'hui, voilà, et l'heure vous sera précisée ultérieurement. Le décès de Madame Grand-Maison Néboyer Gabrielle Marthe. Madame Grand-Maison Néboyer Gabrielle Marthe, décès survenu à l'âge de 91 ans. Le convoi sortira de son domicile au 29 rue Ferdinand Aubert à Saint-Benoît. Attec Claude Nicole, Madame Attec Claude Nicole, décès survenu à l'âge de 51 ans. La veillée se tient au centre funéraire de Prima. Aujourd'hui, c'est à partir de 14h. Le convoi sortira du centre funéraire de Prima demain. La bénédiction aura lieu en l'église de Saint-Jacques et l'inhumation au cimetière de Prima. Réunion Première présente aux familles endeuillées ses sincères condoléances. Les avis de décès avec Réunis Solidarité, Mutuelle Obsèque et Complémentaire Santé. Le TCO qui vous invite à faire part de votre avis lors de l'enquête publique sur la révision de son schéma de cohérence territoriale. Rendez-vous sur www.tco.re ou sur les lieux d'enquête jusqu'au 14 octobre. Un commissaire enquêteur vous accueille également lors de ses permanences au TCO, à la rue de la Douane au Port, à la Possession à la mairie centrale, au Port à la mairie centrale, à Saint-Paul à la mairie centrale et annexe de Plateau-Caillou, à Trois-Bassins à la mairie et puis à Saint-Leu, en mairie donc et annexe de Piton-Saint-Leu. Le maire de la Plaine des Palmistes qui informe ses abonnés du secteur du deuxième village, c'est dans la rue Georges Lebeau qu'en raison des travaux sur le réseau, des perturbations sont à prévoir pour cette journée jusqu'à la fin des travaux. Il compte sur la compréhension de tous. Et puis les collectes de sang de l'EFS prévues pour demain, vendredi 30 septembre. C'est au lycée Paul Moreau de Brapanon de 8h à 13h et au Jumbo Savannah de Saint-Paul de 12h30 à 17h. Psychiatric hospital, yeah.